La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, un son, comment cela s'invente-t-il ? Qui a pu être assez fou pour avoir eu un jour l'idée de faire de la musique avec de l'électricité ? Qui se cache derrière les ancêtres de nos pianos numériques actuels, ces immenses orgues criblés de fils électriques ou ces claviers surréalistes aux noms insensés, Novacord, Telharmonium, Audion Piano, Mixture Trotonium, Clavivox ou Polymog ? Réponse, des amoureux du son, c'est sûr, mais surtout d'immenses inventeurs qui s'appellent Edison, Cahill, Martenot, Matthews, Moog ou encore Sinoviev et Kakehashi. Ils sont américains, anglais, français, russes ou japonais et ils ont en commun un esprit super créatif, un égal amour des circuits électriques et des notes harmoniques ainsi qu'une vision révolutionnaire de la musique. Et surtout, ils méritent qu'on fasse leur connaissance. Pour nous y aider, j'ai invité Laurent De Wild. Bonjour. Bonjour. Vous avez gentiment accepté notre invitation pour parler de l'histoire de la musique électrique. Vous êtes normalien de la rue d'Ulm. Bravo. C'est exact. En philosophie. Oui. Encore plus bravo. Vous êtes pianiste de jazz, pionnier de la révolution électronique du jazz des années 2000. Et vous êtes, si vous me passez l'expression, un drôle d'oiseau. Et vous venez de publier un très gros livre qui s'appelle « Les fous du son ». Dont je viens de lire un extrait de la quatrième de couverture. Alors j'ai une première question à vous poser, Laurent De Wild. C'est quoi le jazz ? Est-ce qu'il y a une définition ? Vous devriez pouvoir répondre puisque vous avez gagné en 1998 les victoires du jazz comme nouvel artiste jazz de l'année et en 2018 dans la catégorie artiste de l'année. Donc le jazz, ça vous connaît. C'est plus j'avance, plus je me pose la question du périmètre de cette question, quoi. Le jazz, j'aime bien me réfugier derrière Miles Davis qui disait le jazz c'est une attitude. Ça suppose donc de la liberté, de la conscience de sa liberté, de son exercice en temps réel, de la façon dont les énergies circulent à l'intérieur d'un orchestre selon une démocratie organisée et instinctive. Pour ceux qui l'écoutent, le sentiment que il se passe quelque chose de créatif, exceptionnel au moment de l'écoute. Contrairement à toutes les autres musiques qui sont répétitives d'une version sur l'autre, là, il n'y en a pas deux, pareil. Un disque de jazz, c'est une photo dans la vie de quelqu'un, dans la vie d'un orchestre et qui ira jouer le lendemain dans une salle de concert où la musique sera radicalement différente. Alors, est-ce que vous connaissez Raphaël Imbert ? Bien sûr. Oui, qui a écrit un livre qui m'a aidé à préparer cette émission, qui s'appelle Jazz Suprême, avec comme sous-titre « Initié, mystique et prophète ». Magnifique ouvrage. Préfacé par Patrick Chamoiseau, qui tente une définition du jazz, que je vous livre, et vous me direz si vous êtes d'accord. Le jazz défait les catégories de nos perceptions, nos échafaudages mentaux, pour ouvrir de nouveaux possibles. C'est en cela qu'il est spirituel, il bouleverse la création jusqu'alors accomplie, et stimule les assises de l'esprit. Ça rejoint ce que vous venez de dire. Absolument. Et il continue en disant, le jazz échappe aux définitions, tellement il en accumule et tellement l'expérience de chaque musicien et de ceux qui réussissent à s'en nourrir l'installe dans un charroi de perceptions toujours renouvelées. Exactement. Vous l'aviez lu, on dirait. Dans l'indéfinition du jazz, on avance dans l'obscur, on ne cherche pas, on trouve, et souvent on ne sait pas ce que l'on a trouvé. On commence par le vivre. Mais c'est incroyable ce que vous lisez là. Bien sûr, oui, on est parfaitement sur la même longueur d'onde. Le jazz, c'est vrai que le jazz, ça se vit, quoi. Il est une jouvence très sévère pour l'esprit. Absolument. Voilà. Alors, je l'ai rappelé en vous présentant, vous avez pratiqué la philosophie. Un petit peu, mais pas très longtemps. Est-ce que vous l'avez abandonné pour le jazz ou est-ce que vous avez réussi à marier le jazz et la philosophie ? Oula, la philosophie c'est quand même une science, c'est un truc très sérieux et finalement j'en ai fait sérieusement pendant à peine 4 ans, quoi. Ce qui est quand très très réduit pour une réflexion de cette ampleur. Donc je me considère pas du tout comme philosophe ou philosophe de comptoir, n'est-ce pas ? C'est-à-dire vraiment avec trois citations de Nietzsche et une d'Emmanuel Kant, quoi. C'est encore une fois une attitude. Donc c'est une façon d'être au monde, donc c'est une forme de philosophie de vie. Voilà, de regarder, de questionner, de s'interroger, de profiter de ce que la vie nous apprend pour tenter de la comprendre, quoi. Mais je pense que chez le philosophe, il y a le même émerveillement que le musicien à la juste au monde autour de nous. Mais j'ai cru comprendre en examinant votre parcours que vous avez monté un spectacle avec le comédien Jacques Gamblin. Oui. Un spectacle de lecture musicale autour de textes de Sartre, Gerber et quelques autres. Alors ça, parmi lesquels il y avait évolué. Des philosophes. Oui, alors c'est très marrant parce que bon, on soulève le coin d'un voile. C'est que au départ, le projet du spectacle c'était ça, et puis il a progressivement évolué. Et Jacques Gamblin a donc repris la main sur tout le texte. Il a écrit un texte qui a recouvert les textes précédents, notamment pour ceux de Sartre, qui était un très beau texte où il relatait son plaisir d'être dans un club de jazz à New York, et il décrivait ça avec des mots incroyables. Et l'œuvre de Sartre ne doit pas être utilisée, son œuvre autre que théâtrale ne doit pas être utilisée au théâtre, ça c'est radical. Donc il a fallu retirer le texte en catastrophe, et Jacques a écrit à la place un texte où il est parti dans son délire sartrien, et ça a donné le titre du spectacle en deuxième tournée. C'était ce que le jazz fait à ma jambe. Et en fait, il décrivait, c'est un moment très fort où il montre ce que le jazz fait à sa jambe, quoi. Il saute sur place. Vous avez écrit également, avant de parler du livre Les Fous du Son, qui va être l'objet de l'émission, vous aviez écrit, il y a quelques années, une biographie de Thelonious Monk, pianiste, compositeur incroyable, qui est paru dans la collection L'Arpenteur de Gallimard en 1996. Est-ce qu'à votre avis, c'est important de connaître la biographie des grands musiciens ? On peut poser la question pour les physiciens, est-ce que c'est important de connaître la biographie d'Einstein pour comprendre l'œuvre d'Einstein ? Est-ce qu'on peut dire la même chose des musiciens de jazz ? Alors, il y a deux façons de voir la question. Il y a la question pour raccourcir, Céline écrivain ou Céline antisémite ? Est-ce qu'on peut apprécier le travail de quelqu'un indépendamment de son existence, etc. Bon, ça c'est un débat dans lequel je ne suis pas du tout intéressé. Par contre, moi je suis persuadé que tout ce qui apporte un peu d'intimité, vous savez, quand on va dans un magasin et qu'on achète un instrument de musique, bon, on commence à le jouer, il n'a pas de vie avant le moment où on le met dans notre sac, quoi. Or il a une vie, c'est non seulement il a une vie physique, c'est-à-dire qu'il y a des dans le cas d'un saxophone, c'est comme ça du cuivre qui est fondu et puis qui est façonné, etc. Il y a toute une manufacture extraordinaire et avec beaucoup d'amour. Il y a également toute la conception musicale derrière. Enfin, ce petit objet qu'on achète en fait est le réceptacle de plein d'espoirs, de plein de sagesse, etc. Et je n'arrive pas à imaginer que s'intéresser à l'histoire de cet objet n'en renchérit pas la valeur, quoi. Quel type de personnage était Monk, si on peut le dire en quelques phrases ? Mysterioso. Oui. C'est quelqu'un de très énigmatique. J'ai lu quelques interviews étonnantes de lui. Il avait une façon de répondre assez déroutante. Oui, parfois même par le silence. C'est-à-dire, c'est étonnant qu'on n'entende pas son silence comme une réponse. Oui, par exemple, un journaliste lui demande un jour quel genre de musique il aime et il répond « J'aime tous les genres de musique ». Le journaliste continue « Est-ce que vous aimez la country ?» Évidemment, il dit rien, il se tait. Et le journaliste répète, eh bien, est-ce que vous aimez la country? Et Thelonious Monk se tourne vers l'un de ses amis, Bob Jones, et lui dit, ce gars est dur d'oreille. I think the fellow is a little hard of hearing. Je me souviens, c'est magnifique. Ou bien, autre interview. Quel centre d'intérêt avez-vous? Réponse de Monk, la vie en général. Qu'est-ce comptez-vous faire à ce sujet? Réponse de Monk, continuez à respirer. Quel est pour vous le but de la vie ? Réponse, mourir. Du typique Thelonious. C'est bien que c'est vraiment un sujet de biographie exceptionnel parce que on peut en faire le tour 50 fois sans avoir épuisé le sujet. C'est vraiment très marrant. Là, récemment, m'est apparu avec plus de clarté qu'à l'époque le fait que à la musique, ce que Buster Keaton a été au cinéma, c'est-à-dire un père fondateur incroyable, mais qui a défini de façon scientifique l'art de faire semblant de chuter. L'art de faire semblant de chuter. Ouais. C'est-à-dire, on se rattrape toujours au dernier moment. L'art de la chute. Voilà. C'est quelqu'un qui n'arrête pas de retirer le tapis sous les pieds, de faire semblant de fracasser le vase du salon, et à chaque fois, ça se finit, mais impeccable. Et c'est une prouesse physique, technique, musicale, esthétique. Et en plus, ça vient avec un petit clin d'œil humoristique. Donc c'est une musique à la fois mélodique et dissonante, on peut dire ça ? Alors, c'est une mélodie qui a le parcours d'un vol de papillon. Essayez de suivre des yeux le vol d'un papillon et vous aurez une idée de ce qui se passe dans la tête de Thelonious. Alors, ça plaisait pas à tout le monde. Il y a un pianiste de jazz que vous connaissez sûrement, George Shearing, qui était aveugle. Et alors qu'il était escorté vers l'instrument sur lequel il devait répéter un concert, il entend la musique de Monk et il déclare « Je reviendrai lorsque l'accordeur aura terminé ». Eh bien, j'aurais tendance à donner raison à George Shearing. Pour la raison suivante, qui est que Thelonious Monk avait une technique qui était très particulière et qui n'est absolument pas enseignée dans les conservatoires, comme de marteler deux notes de façon répétée, ce qui avait la particularité de produire un son littéralement inouï, puisqu'il était quasiment interdit de conservatoire, n'est-ce pas ? Donc, en plus, c'était quelqu'un de très costaud, donc il tapait fort sur les pianos. Et effectivement, passer après Thelonious Monk était un peu un calvaire, parce que il avait, en fait, vous savez, il y a le vieil adage, il y en a à qui le piano donne du mal, et lui, il donnait du mal au piano, quoi. Donc, quand le concert était fini, il fallait effectivement un accordeur. Le pauvre George Shearing avait raison. France Culture. La conversation scientifique par Étienne Klein. Est-ce que vous avez une définition de la musique, Laurent de Wilde? De la musique. Alors, on va parler du jazz, mais par exemple, on dit c'est l'art des sons. Ou l'art de faire des sons. Ah, et de les organiser, de les organiser en séquence. Oui, de mais les ordonner. J'avais reçu les sons à cette émission il y a quelque temps Francis Wolff, philosophe, qui a Absolument. Écrit un livre Pourquoi la musique. Exactement. Et la définition qu'il donnait de la musique était de dire qu'une suite de sons devient musique quand elle internalise l'idée de sa cause. C'est-à-dire Absolument. C'est-à-dire au lieu de t'entendre que ce sont des instruments qui font les notes, on a l'impression quand on écoute de la musique qu'il y a un discours organisé, que chaque note est la cause de la note qui va suivre. C'est ça, il y a une organisation. On oublie l'instrument. Voilà, c'est ça, c'est une mise en forme. C'est une mise en forme des sons. Tout est musique à qui sait l'écouter. Et il suffit d'être un petit peu mystique et voir la main du créateur dans le chant des oiseaux pour rester tel Saint Jérôme à les écouter pendant toute sa vie. Alors j'en viens à votre livre Les Fous du Son, 550 pages. Un livre incroyable où on parle de technique, d'invention, d'histoire, de personnages, de relations amoureuses. Je ne sais pas comment vous avez trouvé le temps de faire cette enquête aussi fouillée. En fait, c'était l'amplitude de la recherche qui était, je dirais, combinatoire. C'est-à-dire que ça, je me promène sur une centaine d'années, c'est depuis l'irruption de l'électricité dans notre vie quotidienne, et donc dans la musique aussi, et dans toute la lutherie électronique qui l'a accompagnée et qui a fabriqué les objets que nous utilisons aujourd'hui. Mon cher Étienne, ce micro, les ondes radio, etc., qui ont été d'ailleurs le début de la musique électronique, vraiment. Et donc, très rapidement, je me suis rendu compte qu'il fallait que j'y mette vraiment le temps, quoi. Alors, c'est vrai que c'était un moment où j'ai un petit peu mis en second plan mon activité musicale. Et puis, j'ai écrit pendant un an et demi, je dirais. Il y a la question du début. Vous connaissez cette histoire de cet automobiliste complètement perdu dans la campagne irlandaise qui finit par croiser un promeneur auquel il demande « Savez-vous comment je pourrais aller à Dublin ?» Et l'homme de lui répondre « Oui, mais ce n'est pas du tout d'ici qu'il faut partir. » Donc la question, c'est quand on a un tel projet en tête, par où commence-t-on ? Très bonne idée, et surtout la question, très bonne question, et surtout le problème c'est le périmètre, c'est où est-ce que je m'arrête ? Après tout, je suis maître en ma demeure, je décide d'écrire sur ce que je veux, et c'est vrai que le sujet est absolument passionnant, et j'ai eu l'occasion de lire des ouvrages qui étaient un petit peu, je dirais, des zooms avant de mon bouquin, Une vie de Thérémie, une vie de Nicéphore Niépce. Il y a énormément de choses qui sont abordées dans le sujet du son. La musique, quand même, ça concerne tout le monde, quoi, et la façon dont ça bouge. Et je précise que le livre, ça n'étudie pas du tout la musique qui a été générée. Hein. C'est vraiment, moi, je prends le point de vue des inventeurs. C'est pas un livre de science ou de technique. Pas que. Mais ah bah non, ouais, c'est des vies d'inventeurs, quoi. C'est des vies d'inventeurs. Les inventeurs sont des gens géniaux, sont des gens vraiment sympathiques qu'on ne reconnaît que très rarement. Je les trouve très artistes, en fait. Ils sont, je le dis d'ailleurs, ils sont à l'intérieur d'un triangle dont les pointes seraient la science, l'art et les affaires. Et en fonction de leur position à l'intérieur de et ce... la passion, ce qui fait un carré. Ah oui, c'est vrai. Mais la passion, c'est ce qui les fait bouger vers les trois autres. Voilà, c'est le quatrième élément mobilisateur. Et par exemple, vous citez Jean-Philippe Rameau qui a écrit en 1737 son traité qui s'intitule, je crois, Génération harmonique. Absolument. Dans lequel il parle de grands physiciens. Il parle de Galilée, de Newton, de Kepler, de Huygens. Est-ce qu'il y a un passage secret entre la science et l'art quand on parle de musique? Ah, mais ça, clairement. Et c'est drôle parce que c'est le clavier qui va servir d'interprète. Le clavier, c'est une invention très tardive dans l'histoire des instruments. Et c'est également la grande invention occidentale. Les cordes, les vents, les percussions, tout ça, on trouve ça partout dans le monde. Mais il n'y a que l'homme blanc qui a eu l'esprit assez mais torturé pour inventer un instrument aussi... À quelle époque ? Bah, ça commence au 15e siècle et ça s'organise progressivement et l'apogée c'est le 19e siècle. C'est-à-dire que il y en a un dans toutes les maisons bourgeoises, c'est une révolution extraordinaire, c'est-à-dire qu'avant pour écouter de la musique, il fallait se déplacer. Tandis que là, c'est la musique qui vient à vous avec des capacités de dactylographe, c'est-à-dire on tape avec les doigts ce qu'on lit sur le papier. On a virtuellement toute la musique du monde sous les doigts et ça a été le début de la musique à grande échelle telle qu'on la connaît aujourd'hui et le piano a vraiment été le vecteur de ça. Et également le problème c'est que Pythagore déjà il avait trouvé ce principe que à l'intérieur d'une octave on peut mettre 12 demi-tons, mais il avait prévenu tout le monde, il avait dit vous verrez ça tombera jamais juste. Et ça, on était au 6e siècle avant Jésus-Christ, et il a un petit peu lâché sa malédiction, et qui a refait surface progressivement. Et effectivement, l'idée de couper la hauteur des sons en tranches prédéfinies et agréées par la Commission européenne, c'est un truc qui est complètement inimaginable auparavant. Chaque instrument produit la hauteur de son son en fonction du village dans lequel il joue, parce que les violonistes ils sont accordés un peu plus bas dans le village d'à côté qu'ici. Tandis que le piano, non, il faut que ce soit décidé non seulement à l'usine, mais avant même que ce soit fabriqué, c'est-à-dire qu'on dise, voilà, telle note fera exactement telle fréquence. Et c'est à ce moment-là qu'on rentre réellement sur la passerelle entre l'art et la science. Parce que la science, effectivement, elle a besoin de chiffres précis. Et la hauteur des sons, du La 440, tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est ce petit La 440 qui va passer le relais entre les deux mondes. Vous écrivez, pour jouer de la musique, il faut tricher. L'ascension en 12 quintes est plus longue que la redescente en 7 octaves. Absolument. Il faut tricher entre l'oreille et les nombres, entre l'acoustique et les maths. Ouais. Et c'est drôle parce qu'il y a quelques semaines, j'avais reçu à ce même micro Alain Cohn, grand mathématicien, qui a dit la même chose, mais un peu autrement. Il a dit 3 demi à la puissance 12 est très proche de 2 à la puissance 7. Oui, c'est ça, exactement. C'est 129,7 contre je sais plus quoi, mais on est fait oui. Dans deux trucs. Mais cette dernière quinte, Pythagore l'appelait la quinte, son cycle des quintes qui quinte arrive à la deuxième. La quinte du loup, ça, c'est là qu'il y avait un loup dans son histoire. Mais le violon ne triche pas, donc, contrairement à la guitare. Exactement. Exactement. C'est-à-dire, c'est ça qui est merveilleux, c'est que l'accordeur, en fait, est un tricheur professionnel. C'est-à-dire qu'il faut qu'il rende plaisant à l'oreille quelque chose qui n'a pas de réalité mathématique. C'est drôle, parce que dans cette recherche scientifique sur les sons, pendant, je dirais, 400 ans, le seul témoin, enfin, la seule boussole, c'est agréable à l'oreille ou pas. C'est quand même c'est marrant quand même un indice scientifique qui est le plaisir. Et c'est qu'à la fin du 18e siècle on a commencé à analyser un petit peu les trucs sérieusement quoi. Mais auparavant si c'est pas plaisant, c'est on n'étudie pas quoi, c'est pas intéressant. Nous on aime ce qui est beau quoi. Et ça a été la porte d'entrée dans la science de la musique. Bon Laurent De Wild, j'imagine que vous aimez la musique. Un peu. On va peut-être en écouter un morceau que vous avez choisi. Laurent de Wilde, nous venons d'écouter Too Many Keys, on dirait du Laurent de Wilde. C'est exact. Lorsque notre réalisateur m'a demandé un morceau que j'aimerais prendre dans mon répertoire, j'ai choisi celui-ci parce qu'en fait, il passe jamais à la radio. C'est parce que c'est un album de duo de piano où effectivement tout le reste de l'album, on joue avec le clavier. Mais là, c'est le seul morceau où on ne joue pas avec le clavier, en partant du principe que 2 fois 88 notes, c'est beaucoup trop, too many keys, et qu'on allait faire un morceau absolument sans clavier. Voilà. Alors, on revient à l'histoire du son produit par l'électricité, disons. Vous faites commencer l'histoire avec Thomas Edison, qui est une sorte de Gaston Lagaffe. On peut le dire comme ça? Au début, ouais, il essaie un peu tout à tort et à travers. Il fait des trous dans le plancher avec l'acide de ses batteries, oui. Mais il est très malin, lui. Et vous dites qu'il invente le métier d'inventeur. Oui. Quand on y pense, c'est remarquable. C'est-à-dire qu'auparavant, prenez Benjamin Franklin, qui le précède d'un siècle, il découvre la polarité de l'électricité, il découvre le Gulf Stream, le cathéter, un poêle à récupération de chaleur qu'on utilise encore aujourd'hui. Donc, c'est quelqu'un de très très prolifique dans ses inventions. On lui demandait, mais vous faites breveter vos inventions? Il dit, ben non, moi, la vie a été très généreuse pour moi, je ne fais que rendre au genre humain ce qu'il m'a donné. Et effectivement, 100 ans après, c'est plus du tout la même histoire. On est dans un capitalisme américain qui est en train de tisser sa première toile. Et le fil de fer barbelé, et ben, ce sont les brevets. Et Edison est le premier à dire, voilà, moi je m'intéresse à ce qui se passe scientifiquement autour. Vous imaginez quand même, entre, je dirais, 1880 et 1910, sont inventés, mais tous les paradigmes de notre société contemporaine, le téléphone, l'avion, le moteur à explosion, et j'en oublie l'enregistrement du son, etc. La radio, bon, et du coup, il se passe tellement de choses en même temps que quelqu'un d'un petit peu éclairé, d'un petit peu scientifique et bricoleur peut, se décréter inventeur et gagner sa vie comme ça. Et c'est ce que fera Edison magistralement en piquant beaucoup les brevets des autres, dont celui du phonographe. Il va en déposer plus de 1000. Et oui, mais en même temps, il crée un mythe, c'est-à-dire que avec une bonne idée et un peu de curiosité scientifique et $1 d'investissement, on peut faire fortune. Il invente le phonographe, la lampe à incandescence, la pile alcaline, la chaise électrique, dont il dit qu'elle permet de Westinghouser les condamnés à mort. Enfin, c'est la chaise électrique, ça c'est la seule invention dont il n'est pas réclamé la paternité. C'est une histoire épouvantable d'ailleurs. Si on a 2 secondes, je veux bien la raconter parce qu'elle est épouvantable. Donc Edison, qui est devenu un capitaine d'industrie, croit beaucoup aux vertus du courant continu. Et en même temps, on est en train de découvrir que le courant alternatif peut se transformer, se transporter beaucoup plus loin, et donc apparaît comme une solution technologique plus efficace à l'utilisation de l'électricité. Mais Edison refuse de plier et va organiser, sous prétexte que effectivement quand on met les doigts dans une prise avec du 110 volts 60 hertz comme aux États-Unis, on risque l'électrocution. Il va organiser aux États-Unis des démonstrations publiques d'électrocution au courant alternatif, donc celui qui était concurrent au sien, et qu'il refusait il l'appelait du Westinghouse, c'est ça, c'était dans la société américaine, on a compris très tôt qu'il fallait vraiment désigner par un nom le mal qu'on accusait, et il organisait des Westinghouseisations de poules, canards, cochons, et même une éléphante. En 1903, et la chaise électrique pour le système pénal américain. Et c'est la première utilisation a été un désastre épouvantable. Le gars n'était pas complètement mort au bout de la première électrocution, mais à cette époque-là, pour recharger les batteries, il fallait au moins 20 minutes. Alors tout le monde était horrifié. Le gars râlait épouvantablement. On lui a remis un triple choc après, et là, ça a été horrible. Les veines éclataient, les yeux sortaient des orbites, tout le monde vomissait. C'était horrible. Et là, n'empêche que ça continuait. Et on disait qu'il avait été Westinghouse. Mais là, visiblement, les efforts d'Edison n'ont pas porté fruit puisque, on est passé au courant alternatif malgré lui. Qui se propage mieux. Absolument. Le problème du courant continu, c'est qu'il ne va jamais bien loin, quoi. Exactement. Il fallait une centrale électrique tous les kilomètres, alors ce n'était pas très efficace. Alors, il y a une invention qui... Alors, pour le coup, Thomas Edison en a réclamé la paternité, c'est le phonographe. Et il a été présenté le 11 mars 1878 à l'Académie des sciences à Paris. Mais oui, Charles Cros l'avait inventé avant lui, c'est clair. Et c'est un abbé un peu prompt à se faire mousser, qui a pris en note toute la conférence, a fait des plans, les a publiés. C'était une âme innocente, cet abbé, je crois qu'il s'appelait l'abbé Noir d'ailleurs. Et il a donc carrément mis sur un plateau, sur le plateau d'Edison, l'invention du phonographe que Edison s'est pressé de breveter. Je dis pas que Edison l'a volé entièrement, ses recherches allaient dans le même sens, mais c'est vrai que la coïncidence est un peu extraordinaire. Et ce qui est intéressant, c'est de lire la réaction de certains des académiciens, parce que le physicien qui a présenté le phonographe à Paris, à l'Académie des sciences, s'appelait Théodose de Moncel. Et Camille Flammarion était dans l'assistance. Il a raconté la scène de la façon suivante. L'appareil se mit docilement à réciter la phrase enregistrée sur son rouleau. Alors on vit un académicien d'un âge mûr, l'esprit pénétré, saturé même des traditions de sa culture classique, se révolter noblement contre l'audace du novateur, se précipiter sur le représentant d'Edison, le saisir à la gorge en s'écriant « Misérable, nous ne serons pas dupes d'un ventriloque ». Ce membre de l'académie s'appelait Monsieur Bouillot. Oui. Donc il pensait que c'était non pas une illusion d'optique, mais une illusion d'acoustique. Oui, que c'était un ventriloque qui faisait semblant de tourner une machine avec un rouleau dessus, quoi. Mais c'est vrai que c'était une époque, il faut bien comprendre, c'était une époque où la technique était absolument miraculeuse. Enfin, la découverte de l'existence, après théorisation, des ondes électromagnétiques, qui sont celles sur lesquelles sont portées notre conversation, les ondes radio, c'est un truc, mais complètement inimaginable. Même Edison, qui était quand même un esprit un peu rationnel, était persuadé que l'esprit des morts naviguait naviguer voilà, dans cette espèce d'éther électromagnétique. On pouvait sortir absolument n'importe quoi de son chapeau et également persuader des investisseurs millionnaires d'engloutir leur fortune dedans. Et ce sera le cas de mes inventeurs, en particulier le premier, le plus brillant et le plus totalisant, c'est un gars qui s'appelle Thaddeus Cahill, qui invente le telharmonium et qui entraînera l'équivalent de plus de 100 millions de dollars aujourd'hui dans le gouffre de son invention absolument géniale et fondatrice, grâce à l'émerveillement de Mark Twain qui dit « Ah, je suis vieux, mais j'aimerais bien vivre encore 50 ans, tellement tout cela est beau !» Alors, pour finir avec Thomas Edison, est-ce que vous saviez que pendant les 10 dernières années de sa vie, c'est-à-dire après son 73e anniversaire, il a fait beaucoup d'expériences autour des phénomènes spirites? Et il a notamment cherché à construire ce qu'il appelait un nécrophone, c'est-à-dire un appareil capable d'enregistrer les sons ou les voix des morts. Eh oui, bien sûr. On est dans du Philippe K. Dick, là. Ouais. Alors, son idée, c'était que on pourrait entrer en communication avec les défunts. Oui, c'est le thème d'un roman de Philippe K. Dick dont le titre ne me revient plus. Si c'est Ubik, je crois, et c'est une de ces croyances profondes, c'est-à-dire que les morts deviennent des ondes électromagnétiques, grosso modo, hein, pour parler scientifiquement. Et malheureusement, son intuition n'a pas été prouvée jusqu'à présent. J'aimerais bien, Laurent Deville, que vous nous parliez un petit peu d'Edouard Léon Scott de Martinville. Mais oui. C'est incroyable, cette histoire. Christophe Donner a écrit un magnifique ouvrage sur le je ne l'ai pas cité tout à l'heure, sur Nicéphore Niépce. C'est une histoire géniale. C'est-à-dire que lui, 20 ans auparavant, il découvre qu'on peut écrire le son. C'est-à-dire avec exactement le même principe, c'est une membrane résonante aux ondes sonores sur laquelle il y a un petit stylet qui grave dans un rouleau enduit de suie qui tourne sur lui-même légèrement désaxé qui trace le son en trait de crayon, quoi. Et ce qui est vraiment génial, c'est que lui, le fait que le son ne soit pas restitué lui est complètement indifférent, parce que il vit à une époque, et justement c'est la beauté du livre de Christophe Donner, c'est que il le met en parallèle avec la photo, et Nicéphore Niépce et lui se sont un petit peu fréquentés, et c'était une époque où la technique rendait la réalité possible. C'est-à-dire que la photo était c'était comme un tableau, mais c'était juste la nature qui parlait à travers des éléments chimiques, quoi. Et l'idée d'écrire le son était une fin en soi. C'est ça qui est génial. c'est juste la moitié du boulot qui est fait. Il est écrit, mais il n'est pas nécessaire de l'entendre. Et en plus, il était fils de typographe, il était typographe lui-même, et il avait une histoire familiale extrêmement aride. Et pour lui, écrire le son sur un rouleau était l'aboutissement de toute une vie. On stocke des sons silencieux. Exactement, et il s'est émerveillé, voilà, mission accomplie. Et effectivement, Charles Cros et Edison ont fait la deuxième moitié du boulot. Mais on a pu entendre ces sons bien après. Et c'est ça qui est fou. Un laboratoire en Californie, exactement, nous permet d'entendre au clair de la lune, auquel il manque d'ailleurs un temps, tellement il est ému, j'imagine. Et c'est sa voix? J'imagine que c'est sa voix. C'était un enregistrement de 1860. Exactement. Qui a été déchiffré, enfin entendu, en 2008 par une équipe du MIT. Et pourquoi, quand on doit enregistrer un son ou une musique, on choisit toujours une comptine pour enfants? Alors ça m'étonne aussi. Ça a été le cas avec Bismarck aussi. Mais oui, et Mary Had a Little Lamb, c'est le premier enregistrement d'Edison aussi. On parlait de l'émerveillement tout à l'heure. Je crois que l'inventeur est dans les grands moments historiques, genre je vais faire le premier enregistrement dans l'histoire de l'humanité, on redevient un enfant. Un enfant émerveillé, on chante une comptine. Pour moi, ça me semble parfaitement cohérent. Vous parlez de l'histoire de l'orgue. D'où vient que cet instrument est devenu exclusivement religieux? Enfin, quasiment en tout cas. Ah, c'est parce qu'il est plaisant. Parce qu'il est plaisant et il a accompagné dans le temps des fêtes païennes. Vieille... Oui, c'est ça, c'est une très vieille invention. Hein. Ça date du 3e siècle avant Jésus-Christ et c'est une merveille d'ingénierie grecque qui, en fait, les Grecs s'étaient rendus compte que souffler dans leur holos, qui est un instrument à double hanche, très très dur à jouer, qui portait d'ailleurs les joueurs à porter des masques de cuir tellement ça déformait le visage et c'était laid à voir, toujours pratique, les Grecs. Ctesibios, qui a inventé le coup de l'air comprimé avec de l'eau, il dit oh bah moi je peux vous faire un petit une petite mécanique comme ça. Et il plante comme ça une demi-douzaine de ces espèces de clarinettes dans un sommier dans lequel il envoie de l'air comprimé et ça se joue avec des petites tirettes et voilà, ça y est, l'orgue était inventé et c'est effectivement très plaisant et on s'en sert beaucoup dans les fêtes tellement que ça devient l'emblème de la bonne fête réussie chez les païens. À l'époque on ne se savait pas encore païen puisqu'on était au 3e siècle avant Jésus-Christ, mais au 3e siècle après Jésus-Christ où l'église commence à sortir un peu son bâton, l'orgue est expulsé des fêtes qui sont en priorité religieuses maintenant. Et donc, il émigre un peu plus à l'Est, où il connaît un sort identique, d'ailleurs. Et il revient plus léger, sept siècles plus tard, sous forme d'un cadeau à Pépin le Bref. C'est, comment dire, une invention magnifique. Il devient portable, n'est-ce pas? On le tourne avec une manivelle. Ça devient un truc de marché, de foire. Tout le monde adore ça. Et il faudra un peu tirer l'oreille du clergé avant qu'il accepte d'accepter la présence de cet instrument païen. Comment dire, un bon nombre de siècles après, c'est, comment dire, le dogme à la dent dure, hein, contre ceux qu'il bannit. Et c'était quand même un bon calcul parce que les orgues ont fait pas mal revenir les fidèles jusqu'à l'apogée, n'est-ce pas, le 18e siècle, l'ingénierie maximale. Les grandes orgues. Mais ouais, les grandes orgues, il faut dire que c'était les synthés multitimbraux de l'époque. Qu'est-ce qu'on se marrait. On rigole en lisant votre livre, mais on apprend aussi beaucoup de choses. Parfois, c'est des informations un peu décevantes. Par exemple, Sainte-Cécile, la patronne des musiciens, j'apprends avec consternation qu'elle a été choisie à l'issue d'une erreur de traduction. Mais oui, on lui a fait croire que l'organiste de son mariage était son orgue. C'était un génitif mal fléché et donc c'était aussi une époque. Vous savez, c'est avant le patron des musiciens, c'était Saint Grégoire et le calendrier grégorien et le chant grégorien et donc un travail. C'est une députation quasiment automatique. Il a vraiment travaillé beaucoup pour la musique sacrée et la musique en général. Mais effectivement, à la Renaissance, il nous faut des idoles un petit peu plus sexy et le Grégoire et sa barbe et tous ces moines un peu embêtants sont déclassés. Voilà, sont déclassés et c'est Sainte Cécile qui arrive, qui est morte dans d'affreuses souffrances. C'est drôle, ça en dit longtemps sur la résilience des musiciens parce que son supplice en fait ça a été de se faire couper la tête et le bourreau s'y est pris à 3 reprises sans y arriver à la 3e reprise et la loi romaine dit que 3 strikes and you're out. Au bout de 3, c'est fini. Donc, on l'a laissé agoniser pendant deux jours. Après quoi, elle a bien daigné mourir. Elle a été enterrée dans les catacombes. On l'a redécouvert 600 ans après dans une odeur de violette et de rose. Là, la fameuse odeur de sainteté, avec toute sa chair et encore son cou qui pendouillait à cause des 3 coups mal portés. Et là, c'est à ce moment-là qu'elle est redevenue sur le devant du calendrier et on a considéré que ce serait une sainte patronne des musiciens parfaitement acceptable. France Culture, la conversation scientifique, Étienne Klein. Alors, il y a un personnage que je ne m'attendais pas à croiser en lisant votre livre, c'est Clément Ader. Qu'est-ce qu'il vient faire là ? Pour moi, il était simplement l'inventeur d'aéroplanes qui ne volent pas vraiment. Oui, exactement. C'est 80 centimètres, je crois, le maximum, ou 2 mètres. Petit saut, quoi. Exactement. Il est passé dans l'histoire comme un des grands-pères de l'aviation. Bon, certes, l'effort était méritoire, mais non couronné de succès. Beaucoup, beaucoup moins successful que, son installation du réseau téléphonique à Paris. C'était un businessman très avisé. Et l'utilisation d'un système qui existait ailleurs, mais qu'il a vraiment perfectionné, qui s'appelait le théatrophone, et qui a permis à Marcel Proust, de son lit agonisant, d'écouter des opéras qui étaient retransmis par téléphone à distance, c'est-à-dire qu'il y avait 12 micros sur la scène, et là on était en 1880, je dirais, 1882. J'ai peur de dire des bêtises. 1881. C'est dans votre livre. Merci. Si l'information du livre est exacte, c'est 1881. Plus ou moins un de marge d'erreur. Donc on pouvait téléporter la musique qui était jouée dans les salles de concert. Par des micros, en direct. Et en plus, ce qui est incroyable, c'est que c'était une stéréophonie 70 ans avant l'heure. C'est-à-dire que il y avait 12 pistes qui étaient divisées en deux, une droite et une gauche, et on tenait les deux cornets du téléphone contre chaque oreille, et on entendait en stéréophonie. En 1881, l'opéra de son lit. Combien de personnes pouvaient bénéficier de ce service technique? Ah ben ça, c'était payant. Alors je sais pas combien de gens, je crois que... Alors ça, vous me posez une colle, Étienne, j'irai rechercher. En tout cas, ça plaisait pas à tout le monde, parce que Verdi, le grand Giuseppe Verdi, contestait la diffusion de ses œuvres par ce truchement, sans contrepartie financière, et a tenté un procès. Qu'il a gagné. Et effectivement, c'est le début de tous les problèmes d'édition et de diffusion publique des œuvres des auteurs. Propriété intellectuelle. Exactement. Est-ce que Marconi, qui est associé à toute cette histoire de façon directe, a joué un rôle aussi important que celui qu'on lui attribue? Marconi, c'est un peu l'Edison de la radio. C'est-à-dire, c'est un gars qui a très bien compris, qui est à la pointe de la recherche, du progrès et de la réalisation. C'est quand même lui qui fait la première communication à travers la Manche. Mais il comprend très vite que il peut bâtir un empire dessus, ce qu'il fera. Et il n'est pas du tout intéressé, comme certains de mes énergumènes, par les retombées, créatives de l'utilisation de la radio. Parce que c'est vraiment ça, c'est vraiment à ce moment-là que les choses basculent. C'est à la Première Guerre mondiale, la radio est en train d'être inventée, et il y a toute une génération de jeunes conscrits qui sont ingénieurs et qui sont assignés à des postes radio dont ils découvrent un peu le fonctionnement. Et grâce à la triode, n'est-ce pas, cette merveilleuse invention de Lee de Forest, on peut tenir dans ces mains un objet qui va à la fois émettre et recevoir des ondes électromagnétiques. Alors pour la radio, c'est très important, parce que ça veut dire qu'on va pouvoir émettre de façon très fiable des signaux très forts, et également parce que ces jeunes ingénieurs se promènent sans arrêt devant ces postes à galène qui font des sifflements invraisemblables. Ils s'aperçoivent que le mouvement du corps par rapport à un récepteur affecte la hauteur de ces sons, et les plus musiciens d'entre eux, et ça c'est Léon Térémine en Russie, c'est Maurice Marteneau en France, qui se disent, au lieu de raisonner comme des ingénieurs classiques, qui est « il faut que je me débarrasse de ces interférences », eux ils disent « oh c'est génial ce son, si je pouvais arriver à en contrôler la hauteur, ça pourrait faire un instrument monstrueux ». Et c'est ce qu'ils font, effectivement. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes dans la partie de la musique. Et Marteneau, les ondes Marteneau, qui ont bercé mon enfance... Mais oui, de mon père qui était un grand fan. C'est un instrument merveilleux qui est tiré, je dirais, des mêmes constatations que Léon Térémine, c'est-à-dire que effectivement on peut jouer de la musique avec juste la position de son corps dans l'air. C'est extrêmement impressionnant. Quand Térémine en fait la démonstration, je dois dire que ça en coupait le souffle, quoi. C'est-à-dire que voilà quelqu'un qui a une main légèrement à hauteur du corps en coupole, la main gauche, et la main droite un peu qui tiendrait une baguette de chef d'orchestre invisible, et qui s'approche plus ou moins d'une antenne. Et ça crée des mélodies qui sont assez proches de la scie musicale, n'est-ce pas? Et c'est absolument miraculeux. Maurice Marteneau, lui, il est... enseignant, prof de musique, et rapidement il va se détourner de l'effet spectaculaire de cette façon de jouer de la musique dans l'éther, quoi. Et il va revenir au clavier, justement, parce que le clavier reste un ancrage de rationalité scientifique dans notre saga historique musical et artistique. Sauf que il y a au musée de l'Art Philharmonie, le musée de la musique, des ondes Marteneau qui ont été spécialement faites pour être ajustables sur les modes indiens au micro ton près. Donc c'était une époque où on n'avait vraiment pas peur d'aller dans le détail. On va parler tout à l'heure d'autres instruments qui ont des noms bizarres, le magnétophon, le mélotron, enfin il y a toute une liste comme ça. Pourquoi c'est toujours tron à la fin? Ça sonne bien. Ah, justement, ça sonne bien. Et il faut attendre la page 259 de votre livre pour que vous répondiez à la question « Qu'est-ce qu'un son ?» Le livre s'appelle « Les fous du son » et vous dites, page 260, « Qu'est-ce qu'un son ?» Ça prend 7 pages. Qu'est-ce que c'est qu'un son ? Je me rappelle plus comment je le décris dans La première phrase de ce chapitre, c'est « Il n'y a pas que la chanson dans la vie », si ça peut vous aider. Non, ça ne me dit rien du tout. qu'est-ce qu'un son ? C'est-à-dire, c'est vrai qu'est-ce qui fait qu'un son devient une note ? Tous les sons ont des hauteurs, de ce qu'on appelle le pitch en anglais. Après ça, il y a deux questions. C'est qu'est-ce qu'un son quand on l'entend ? Et comment est-ce qu'on peut en fabriquer un ? Alors, les deux attitudes sont compréhensibles intuitivement. Je fais du son avec ma voix, j'entends ma voix faire du son, il n'y a pas de problème, c'est aucun mystère là-dessus. Par contre, quand on se dit quels sont les phénomènes physiques qui sont déclenchés par le son, on s'aperçoit que c'est pas simplement des phénomènes physiques, c'est des phénomènes psychoacoustiques, c'est-à-dire c'est la façon dont le cerveau analyse l'information qui lui est transmise, et l'information lui est transmise de façon extrêmement morcelée, c'est-à-dire que nous avons des petites cellules nerveuses réceptrices en colimaçon dans l'oreille, et dont les plus extérieures à l'oreille s'usent plus vite, et c'est celle qui analyse les plus hautes fréquences, et donc c'est quand on vieillit on perd l'audition des fréquences élevées plus rapidement à cause de ça. C'est parce que tout simplement les récepteurs sont effacés par l'eau de la piscine et le savon et le sable de la plage. Et tout ça est transmis par des canaux différents dans le cerveau qui reconstituent le signal après un traitement assez important, le tout dans l'espace d'une picoseconde. C'est également une vibration de l'espace, dans l'espace. C'est quelque chose qui est très... C'est une loi physique qui est d'une simplicité extraordinaire, c'est-à-dire que dès que le son est transmis, sa restitution est identique à sa transmission, et surtout elle est réversible, c'est-à-dire que grosso modo, quand on utilise un casque pour écouter de la musique, on utilise les membranes du casque comme des résonateurs du signal, mais si on met le casque devant sa bouche et qu'on le met dans une prise micro, cette même membrane qui retransmettait le son, va être la membrane qui, elle, analyse le son de ma voix comme un micro et la fera écouter à d'autres écouteurs. Tout est réversible dans le son, c'est ça qui est extraordinaire. C'est d'une simplicité magnifique. Je ne comprends pas comment Léonard de Vinci a pas découvert ça avant. Je ne comprends pas pourquoi ça arrive aussi tard dans l'histoire des sciences humaines, ce principe de la vibration du son, de sa transmission et même de son écriture. Graver le son, c'est vraiment faire bouger une membrane avec un petit picot au milieu. Mais comment les Grecs, ils n'avaient pas trouvé ça ? Ils ont trouvé beaucoup d'autres choses. Oui, heureusement. Laurent Deville, nous sommes sur France Culture. Alors, je voudrais vous demander qui a inventé la FM, la radio FM, et quand ? Ah, c'est un monsieur Armstrong. La FM, la radio FM. Oui. Oui, c'est un certain Armstrong qui a été le premier à utiliser la triode comme oscillateur, c'est-à-dire comme, et ça c'est vraiment la base de la synthèse électronique, de la musique électronique, c'est l'oscillateur, et il va mettre en place tout un système. C'est une histoire tragique, il a fini par se suicider, le pauvre. C'est une histoire d'un ingénieur qui donc décide que la diffusion des ondes électromagnétiques par modulation de fréquence au lieu de l'amplitude AM à la place de FM, c'est un système beaucoup plus viable. D'ailleurs aujourd'hui il y a plus de AM, on est tous en modulation de fréquence, et il fabrique des postes de radio qui sont bien entendu adaptés pour recevoir de la fréquence FM. Il fait un maillage de stations de radio FM dans tous les États-Unis, et c'est une histoire épouvantable parce que ça c'est pendant la Deuxième Guerre mondiale, dans les années 40. Exactement. Et pendant ce temps-là, un énorme conglomérat dans le monde du spectacle et de la radio essaie de lui racheter son invention à vil prix, ce qu'il refuse de faire. Et donc, après la Deuxième Guerre mondiale, d'un trait de plume d'un assistant au ministère des communications américain, décide de changer la bande d'émission de fréquence de la radio FM. Et du jour au lendemain, le temps qu'il faut pour signer, et toutes ces radios sont à mettre à la poubelle, et toutes ces antennes radio et toutes ces stations radio sont à mettre à la poubelle. Donc il est dépossédé de son invention, il y a des procès qui vont suivre, qu'il va perdre. Exactement. Il va finir par se jeter du 13e étage. Exactement. Affreuse histoire. Affreuse histoire. Mais mes inventeurs sont des gens très sympathiques, ils sont souvent un petit peu dépressifs. Il y en a très peu qui font fortune. Il y a quelques gros malins. Laurence Amonde, par exemple, l'inventeur de l'orgamonde. Lui, il a inventé l'orgamonde et beaucoup plus. Et je crois que ce qu'il a sauvé, c'est qu'il n'était pas très mélomane. Et donc, Pourquoi ça l'a sauvé? Ben, justement, vous savez, hein, on essaie de pas mélanger le business et la passion, quoi. Ceux qui sont trop passionnés, malheureusement, térémine. Ils s'identifient à leur invention. Oui, et puis ils l'emmènent au-delà du raisonnable. Et puis ils sont également absorbés, croqués par un capitalisme qui est très, très vorace et qui a très courte vue. Et d'ailleurs, c'est la fin de mon bouquin. C'est marrant parce qu'on a beaucoup à apprendre des Japonais, la façon dont ils construisent toute leur recherche dans ce domaine-là, leur accompagnement des banques, etc. Le long terme est beaucoup plus privilégié et finalement donne de bien meilleurs résultats. Qu'est-ce que c'est que le mélotron, Laurent de Wilde? Ah, le mélotron, ça c'est fasciné. C'est une histoire géniale. C'est déjà, c'est un vol. Ça s'écrit MELOTRON. Exactement, le mélotron. C'est un vol de brevet. Au départ, ça s'appelle un chamberlin. C'est une invention américaine. C'est un gars qui a l'idée absolument simplissime et géniale. Si j'enregistrais toutes les notes, par exemple, on va dire d'une flûte, un ré, un do dièse, un ré dièse, etc. Mais sur bande magnétique. Et sur chaque bande, il y a juste cette note-là. Et mon instrument à clavier serait une espèce d'énorme tape player, un joueur de bande magnétique. À chaque note est attribuée, et ben, la bande magnétique sur laquelle il y a la note correspondante. Et ça s'appelle le chamberlin. Ça a l'air complètement insensé, mais ça marche très bien. Et puis surtout, il fait ça avec des rythmes, il fait ça avec des instruments avant, des instruments à cordes, etc. Et auparavant, on n'a pas la possibilité, à part l'orgue acoustique, on n'a pas la possibilité d'entendre des sons de cordes qui sont un petit peu convaincants. Il se fait voler son invention, ce monsieur Chamberlain, par son assistant, qui va en Angleterre et qui tombe sur deux frères anglais qui fabriquent justement des têtes de lecture de bandes magnétiques. Et leur propose d'en produire plusieurs fois 70. Alors les gars, ils disent, ah ouais, c'est bizarre, mais vous faites quoi exactement? Ils s'intéressent, ils tombent dans le business. Ils ne savent pas que l'instrument a été volé. Ils pensent que l'assistant a inventé ces instruments. Donc c'est à lui qu'ils achètent le droit de propriété. Et ça devient le mélotron, qui est un instrument qui est très utilisé dans toute la pop rock anglaise encore des années 70. Plus maintenant. Plus maintenant, parce que c'est très fragile. C'est très fragile, les bandes se cassent, c'est un entretien délicat, la mécanique du clavier est complexe. Je connais certains musiciens qui les demandent et mettent sur les fiches techniques de leurs concerts et condamnent les organisateurs de concerts à des cauchemars épouvantables pour pouvoir en trouver. Est-ce que on voit beaucoup d'intelligence artificielle aujourd'hui, est-ce que ça joue un rôle dans la musique? Est-ce qu'on compose des œuvres avec des algorithmes? Est-ce que ça produit des choses intéressantes, ou est-ce que la composition humaine va garder une sorte de monopole dans la créativité? Personnellement, moi, je pense que la musique devient intéressante. Vous savez, avec la numérisation du son, et puis même à partir du moment où on commence, je dirais, avec les gros synthés des années 60, hein, ce qu'on appelle la synthèse modulaire, c'est-à-dire grosso modo des espèces d'armoires normandes avec des trous partout, et on relie les éléments avec des câbles. Et à partir de là, de deux choses l'une, où on sait ce qu'on fait ou on ne sait pas ce qu'on fait. Et quand on sait ce qu'on fait, ça fait de la belle musique, et quand on ne sait pas ce qu'on fait, ça fait de la musique surprenante. Ça fait quelque chose de surprenant. Et je pense que la plupart des découvertes et des choses qui font que la musique avance, c'est que justement, il y a un son inouï, un son qu'on n'a pas entendu auparavant. Et tant qu'il y a, tant que l'intelligence artificielle, qui est quand même en chemin depuis longtemps dans le processus de fabrication de la musique, et aujourd'hui, en fait, il y a des logiciels qui vous permettent de faire vraiment une chanson en 5 minutes, quoi. Mais tant qu'il n'y a pas l'erreur maîtrisée, ou plutôt l'erreur reconnue, acceptée, embellie et, je dirais, adorée pour ce qu'elle a de novateur, l'intelligence artificielle ne nous servira à rien. Il faut la surprise de l'erreur. Pour moi, c'est ça qui est à l'origine de tout ce qu'il y a. Il y a un effort, et puis il y a un moment où, paf, on fait le petit pas de côté qui rend l'œuvre singulière, unique. Il y a une... Je dirais qu'il y a une espèce de métaphysique des coïncidences qui fait que tout d'un coup, l'âme s'élève vers quelque chose d'inattendu et qui est partagé par l'humanité entière. Vous êtes quand même resté un philosophe. Alors, Laurent de Wild, vous êtes compositeur aussi de musique, et quand vous composez, est-ce que vous pensez à l'instrument qui va interpréter la musique, ou est-ce que c'est deux choses complètement séparées dans votre esprit ? Ah oui, bien sûr. Quand on compose, le piano est un instrument génial parce que c'est un instrument de compositeur. On peut pousser la mélodie, le rythme, l'harmonie tout ensemble. On est parfaitement autosuffisant. Par contre, c'est très trompeur de croire que ce qu'on joue, c'est ce qu'on va entendre. Quand c'est redistribué aux autres instruments, en particulier la batterie. qui est pas très tonal, enfin si, les hauteurs de tom et tout ça, mais c'est des fréquences très complexes et difficiles à accorder. Et donc, on a une idée toujours, je dirais même, non seulement moi j'écris pour les instruments, mais j'écris pour les personnes qui vont jouer cet instrument. Parce que j'ai le privilège d'avoir des collaborateurs fidèles. Mais ça n'empêche pas qu'elle soit jouée par d'autres. Oui, ah ben non, au contraire, c'est et là qu'elle commence à vivre. Et ça produit une surprise alors. Et encore une fois, moi je privilégie dans l'écriture tout ce qui peut laisser libre cette surprise à surgir. Enfermer quelqu'un dans une partition, c'est quelque chose de terrible. Là, il y a plus de jazz quand on est enfermé, quand on ne fait que lire. Enfin bon, sauf si c'est au service d'une improvisation de quelqu'un, mais ça devient quand même très très réducteur. Et personnellement, moi, ce qui m'intéresse, c'est justement d'écrire pour l'instrument et pour l'instrumentiste, et justement pour la liberté qu'il va mettre dans les ordres que je lui donne. Donc c'est une affaire de reconnaissance de talent et d'amitié, alors. Vous pensez à des gens quand vous écrivez? Bien sûr. Il y a des instruments, musiciens. Bien sûr, mais ça me semble parfaitement normal. Quand on veut faire un dîner, on pense à ses invités. Des fois qu'il y aurait un végétarien. Est-ce que vous êtes amusé, Laurent de Wild, à chercher vos anagrammes? Alors, je sais que vous êtes, mais juste imbattable, Étienne. Non, mais il n'y a pas grand-chose, hein, avec votre W, là, on est quand même embêté. Ah, vous avez réussi? En anglais, oui. Ah, ça donne Wild Tune Leader. Non. Ou bien Wild Tune Dealer, vous pouvez choisir. Oh. Dans le deuxième cas, ça donne trafiquant de musique sauvage. Ça vous va, ça? Merci. Moi, la seule auquel j'étais arrivé. Et Wild Tune Leader, c'est pas mal. Franchement, là, je m'en fais une casquette. le seul que j'avais trouvé, c'était Well Rated Nudie. Pas mal. Le nudiste bien noté. Ah, il faudrait des preuves. À la radio quand vous voulez. Merci Laurent de Wild d'avoir accepté notre invitation. Je recommande la lecture de votre livre incroyable, plein d'histoires extraordinaires, qui s'appelle Les Fous du Son. C'était la conversation scientifique par Étienne Klein, avec la collaboration de Thierry Beauchamp, à la technique Alain Joubert et à la réalisation Thomas Jost.